L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Art, musique et rencontres, le hameau des artistes revient à la MJC Lillebonne pour 3 jours de création partagée et pour une 8e édition. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Philippe Morlot. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes créateur, plasticien, c'est oui, ça ? Oui, c'est ça. Et aussi un peu dans l'équipe d'organisation de ce rendez-vous. Voilà, il y a un noyau organisateur. C'est la spécificité du hameau, entre autres, c'est que ce sont des artistes qui organisent, ils ne dépendent pas d'une structure. Où on organise entre nous le hameau et on invite d'autres artistes pour l'événement. Cette année, il y aura 25 artistes invités. En gros, on est 5-6 dans le noyau dur, si on peut dire, et qui sommes amenés à inviter des artistes, à organiser tout au long de l'année, à essayer de mettre en place ce temps fort qui va se passer du 28 novembre au 30 novembre. Une sacrée organisation, on l'imagine bien. Comment vous l'avez connu, votre premier rapport avec le hameau des artistes, vous ? C'était en tant qu'artiste, j'imagine. Oui, en tant qu'artiste, je fais de la sérigraphie à la MJC Lillebonne. Donc, la MJC Lillebonne est un partenaire indispensable et fondateur du hameau. Donc, j'ai connu les personnes qui participaient au hameau. Anciennement, ça se tenait près de la porte de la CRAF. Et ça durait sur un mois. C'était une autre forme du hameau à l'époque. Et là, donc maintenant, c'est à la MJC Lillebonne, hein, au 14 rue du Cheval Blanc à Nancy. Vous avez dit donc 25 artistes qui sont répartis sur plusieurs univers, c'est ça ? On est situé dans une grande salle de la MJC et puis une petite salle annexe. Et donc, sur cette grande salle, on fait 4 pôles et il y a un 5e pôle qui est dans la salle annexe. Sur ces pôles, on est 5 artistes. Ce qu'on cherche surtout, c'est ce qu'il y a un mélange des arts, un mélange des pratiques. C'est pas faire un marché comme on peut en voir ailleurs, hein, sans critiquer, où chaque artiste a un peu son stand. Ici, c'est 5 artistes qui mettent en scène tous leurs travaux ensemble. Il y a une sorte de mélange. Ça, c'est une des spécificités à laquelle on tient beaucoup. Donc vous êtes sérigraphiste. Quel autre type d'artiste et d'artisan on va pouvoir découvrir ? Eh bien, il y a des personnes qui font de la poterie, de la photographie. Il y a de l'art textile, il y a une personne qui fait de la teinture végétale, donc il y a des céramistes, des personnes qui font de la linogravure aussi, il y a de la gravure, il y a de la typographie à l'ancienne, des objets, une grande diversité. On essaie d'avoir des artistes qui touchent un peu dans tous les domaines. Et qui reviennent d'année en année, ou il y en a des nouveaux aussi, et ils sont tous de la région ou d'un peu plus loin ? Une des spécificités aussi du hameau, sur une équipe de 5, on renouvelle 2 artistes tous les ans. C'est précisé aux artistes quand ils sont invités, on leur dit c'est pas une invitation ad vitam aeternam, mais c'est vraiment une invitation qui peut être renouvelée ou pas. Donc ce qui nous permet aussi de faire venir de nouvelles choses, pour que parce qu'il y a quand même un public habitué qui attend le hameau, qui vient au hameau. Donc ça leur permet de découvrir de nouveaux artistes aussi, ou de nouvelles pratiques artistiques. En général, tous les ans, il y a un renouvellement de 25% des artistes. Voilà, 5 équipes qui rassemblent donc en tout 25 artistes, qui parfois ne se croisent qu'à l'occasion d'un rendez-vous tel que celui-ci peut-être. Oui, bon, il y a un bon nombre d'artistes qui se connaissent. Oui. Quand même, sur Nancy, on se connaît assez bien, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des artistes qui viennent de plus loin. D'ailleurs, on invite aussi bien des personnes qui viennent de, pas très loin, mais de Metz ou d'autres endroits qui peuvent être là, qui sont effectivement moins connus peut-être du milieu. Lors de ce week-end, hein, le rappel, hein, c'est du vendredi 28 novembre au dimanche 30 novembre à la MJC Lillebonne. Il y a aussi de la musique. Ça, c'est aussi une des spécificités du hameau qu'on aime mettre en avant. Hein, c'est le fait qu'on propose des concerts qui sont gratuits tout au long du week-end. On propose aussi des ateliers qui sont eux aussi gratuits. Oui. On invite les personnes qui ont des enfants à venir, mais même, pourquoi pas, des adultes à participer à ces ateliers. Il y a un atelier de photographie, c'est ça ? Voilà, il y a un atelier de photographie où les personnes vont faire une sorte de travail de photomontage sur leur portrait. Il y aura un atelier où les personnes pourront faire de la calligraphie. Et puis, un dernier atelier où les personnes seront invitées à peindre une boule de Noël en bois. C'est des points sur lesquels on tient à mettre l'accent, parce que, bien sûr, dans le mot marché, il y a le fait de vendre, oui, d'acheter. Mais on peut venir au hameau des artistes uniquement pour écouter de la musique, participer à un atelier, puis regarder, en prendre plein la vue. Tout voilà, ça, vous l'avez dit, on peut venir avec des enfants aussi. Hein. Voilà, il faut venir avec des enfants. Et dernière chose, il y a aussi une petite restauration, une buvette, donc quelque chose d'assez sympa, d'assez simple. Une consommation locale aussi. Oui, locale. local. Oui, on tient à faire participer au maximum des gens du cru. Philippe Morlot, vous êtes donc artiste, hein, plasticien. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça représente pour vous de venir à des événements tels que celui-ci, le Hameau des artistes ? Déjà, c'est un lieu de rencontre, une sorte de convivialité. Parce que bon, on se retrouve avec le noyau dur, ce sont des artistes que je connais. On ne peut pas trop nier que dans le domaine des arts plastiques, souvent on est un peu seul. Donc c'est un moment de convivialité, de se retrouver. Et puis c'est aussi l'occasion de montrer son travail, bien sûr, et puis de permettre aux personnes intéressées d'accéder à une pièce ou deux, selon leur envie. Le Hameau des artistes, 8e édition, un petit marché d'objets et de création d'artistes, c'était du vendredi 28 novembre au dimanche 30 novembre à la MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc à Nancy. L'entrée est libre, bien sûr. Oui. On n'hésite pas à venir en famille. Surtout, oui. Et on passe un bon moment avec vous. Tout à fait. www.mjclillebonne.fr pour retrouver tout le programme qui est aussi à retrouver sur les réseaux sociaux en cherchant le Hameau des artistes sur Facebook ou encore Instagram. Merci beaucoup, Philippe Morlot. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.